Hey, ton gazo est du figuro, tu sais qu'on est niqué. Si tu parles en rafale, on va te fourguer tout comme on est niqué. Hey, même les massales, on a fait le tour. T'as la vue de cracher sur le ventre, que tu ne fasses jamais d'un coup dans le dos. On va te remonter, on va te remonter. Obligé de recompter, le temps était compté. Slide, Kista, Charo, Gang, Slide, Moula, Mala. La Mala est gangs. Kista est peste. Manager en caisse, j'suis venu en caisse. Y'a des caisses réconfirmées qu'on nous dit hop. Peur de finir comme à Kennedy, pap. La police solutionne et nous on s'est hop. J'allume un pétou, j'redescends la pression. Quand t'as des joueurs, j'en ai pas l'impression. En recherche de réponse, j'me remets en question. N'est-ce qu'un égal de faut se péter les caissons. Dehors, ça sent le sapin. J'parle pas, j'porte le chapeau. V8 sous les capots. J'ai su, j'suis leur papa. Je me vote comme un chapeau, des matchs pour un crapaud, pour te gueule ta papa. Sois là quand j'ai rien, tu seras là quand je serai bien. Sois là quand j'ai rien, tu seras là quand je serai bien. Hey, ton gazo est du figuro, tu sais qu'on est niqué. Si tu parles en rafale, on va te fourguer tout comme on est niqué. Hey, même les massales, on a fait le tour. T'as la vue de cracher sur le ventre, que tu ne fasses jamais d'un coup dans le dos. On va te remonter, on va te remonter. Obligé de recompter, le temps est décompté. Slide, Kista, Charo, Gang, Slide, Moula, Mala, Gang. Oui, je rentre en jogging, check le leader. On est cramé, y'a pas de fumeux, aucune pénasse. Y'a les Giro, rétroviseur, y'a les Giro. J'connais sans feu, y'a pas de fumée. Aucun nuage, c'est chacun pour sa part. La regain, je vais leur faire. Les bouffons n'ont qu'à planter. Mon parfum sort de la fête. J'ai pas joué négro, à part les vitesses. Tous les bons qu'à les planter, y'a pas tête à tête. Hey, ton gazo est du figuro, tu sais qu'on est niqué. Si tu parles en rafale, on va te fourguer tout comme on est niqué. Hey, même les massales, on a fait le tour. T'as la vue de cracher sur le ventre, que tu ne fasses jamais d'un coup dans le dos. On va te remonter, on va te remonter. Obligé de recompter, le temps est.